brillante comme le tonnerre, marcher au pas de loi, écraser les frontières. Et devant cette attaque sans précédent-là, une résistance tout aussi historique est en train de se mettre en branle, précisément au moment où on se parle au Québec. CKRL 89.1, Québec. Elles sont là des millions qui n'attendent qu'à raisonner. Reste qu'à trouver les pieds qui voudront les chausser. Bienvenue à Web Musique. Vous êtes avec Simon Roy pour la prochaine heure. Cette semaine à l'émission, de la musique à tendance afrobeat, afro-rock, afro-jazz, donc un peu dans ces cordes-là. Je me suis réveillé avec cette envie-là ce matin, puis je me suis gâté, donc on va passer la prochaine heure dans ces styles musicaux. Je vous rappelle que toute la musique entendue à l'émission, vous pouvez la télécharger gratuitement. Vous allez au www.webmusique.ca, donc vous avez accès à tout ce qu'il faut pour télécharger les pièces entendues à l'émission. On va débuter tout d'abord avec Dockerman and the Turking Fellas, donc un groupe publié sur Buddha Beats Netlabel c'est un Netlabel qui vient de la Hongrie. On va entendre la pièce Broken, puis tout de suite après, vous allez voir, c'est assez intéressant. C'est un remix de Moulaté à Statke, donc Ethio Jazz, c'est par Zoplar qui nous fait une version électronique. La pièce s'intitule A Man of Experience and Wisdom. Vous allez voir, vraiment intéressant. C'est publié par l'artiste, donc il n'y a pas d'étiquette rattachée à ça. Donc on débute Web Music avec Dockerman and the Turking Fellas. We'll be right back. du Brésil, c'était Zoplar qui nous offrait un remix de Mulaté Astatke, donc la pièce intitulée A Man of Experience and Wisdom. Avant ça, on avait débuté Web Music avec Dockerman and the Turking Fellas avec la pièce Broken. C'était publié sur l'étiquette Buddha Beats. Dockerman and the Turking Fellas, un groupe qui nous vient de la Hongrie. Pour poursuivre Web Music, on va se déplacer du côté de la France, de la ville de Orléans plus précisément. C'est le groupe d'exil et d'itinéraire. Je vous fais entendre la pièce Déchirement. Tout de suite après cette pièce-là, ça va être Nomo avec la pièce Invisible Cities. C'est un enregistrement qui a été fait live à KEXP, donc une radio à Seattle, vraiment impliquée, qui enregistre beaucoup de prestations live à leur station et qui offre ça en téléchargement gratuit. Donc, un exemple à suivre, une radio exemplaire dans le monde du net audio. Beaucoup de matériel, donc, en téléchargement gratuit. Donc, on écoute tout de suite d'exil en itinéraire avec la pièce Déchirement. De la ville de Chicago, c'était Nomo avec la pièce Invisible Cities. C'était un enregistrement live à la radio KEXP de Seattle, donc un groupe vraiment intéressant. On s'en va en pause, puis Web Music vous revient tout de suite après, c'est promis. Écoutez tous les dimanches à 21h La Croche-Oreille en rediffusion, une émission en art audio et électronique animée par Jean-Pierre Gué, Myriam Lambert et Ariane Plante, présentée par le Centre d'artistes Avatar de Méduse. La Croche-Oreille en rediffusion le dimanche 21h, ce sont les sonorités du futur par des gens d'ici, aujourd'hui. Cet été, les 22 parcs nationaux du réseau Parc Québec vous invitent à pratiquer vos activités préférées. Que ce soit pour une journée en rando, un week-end en canot ou un séjour en camping, la nature vous donne rendez-vous. Laissez-vous surprendre, émerveiller. Près de 500 activités de découverte vous feront voir la nature autrement. Voyez nos suggestions sur parcquebec.com. L'Ampli lance un appel de candidature aux artistes de la relève musicale pour la prochaine cuvée de son volet pro. Faites vite car il prend fin le vendredi 7 septembre 2012. Vivez un encadrement d'une durée de 10 mois et propulsez votre carrière. Consultez la section volet pro du site pour tout savoir. Procurez-vous la compilation 2012. Je serais allé au bout du monde, je serais parti, je t'aurais suivi. J'avais déjà décollé, j'étais rendu au 7e ciel, mais ton avion était parti. J'ai acheté des draps bien joli, avec des petits pois. Je t'ai mis le temps d'une chevette. Devenez membre de l'Ampli et rendez-vous sur amplidequebec.qc.ca. 88-977-9764. L'Ampli remercie l'incubateur de musique francophone, Sillon le disquaire, Archambault, Voir Québec et CKRL 89.1. L'Ampli est piloté par le Carrefour Jeunesse Emploi de la capitale nationale et est rendu possible grâce à la participation financière de la Ville de Québec. Illusion auditive, une émission sur le rock de tout genre. Animée par Vincent Delille et Jacques Dulac, vous êtes conviés à une heure de musique des années 70 à aujourd'hui. Psychédélique, garage, hard rock, progressif, classique reconnu, un rendez-vous pour les passionnés du rock. Illusion auditive, tous les samedis soirs de 21h à 22h au 89.1. The universe. Lightness. CKRL, Image of Mystery. Québec. De retour à Web Musique, vous êtes toujours avec Simon Roy pour la prochaine demi-heure. Donc, c'est ça, comme vous avez pu vous en rendre compte, c'est un petit spécial Afrobeat, Afrojazz et autres musiques du genre. Donc, on va poursuivre avec un groupe qui a été formé seulement une seule fois. Il s'agit du Barcelona Afrobeat International Orchestra. Donc, ça avait été formé pour le festival, le festival Boom Festival, c'est un festival qui avait eu lieu en 2008, donc une pièce vraiment intéressante qui s'intitule Barcelona Afrobeat One. Donc je crois que la personne qui a fait l'enregistrement avait pas le nom des pièces. C'est publié sur grâce à Noise Problems, donc un curateur sur la Free Music Archive. Donc je vous invite à découvrir ça, ça va être vraiment intéressant. Ensuite de ça, de la ville de Chicago, c'est le Chicago Afrobeat Project qu'on va entendre la pièce Talking Bush. Ça va être tout de suite après le Barcelona Afrobeat International Orchestra. Thank you. Thank you. All right. You guys all got the political theme of that last tune, right? Came across music. Cool. What do you got next? Obama in 08. The message was Obama 08. Donc, c'était le Chicago Afrobeat Project avec la pièce Talking Bush. Avant ça, c'était le Barcelona Afrobeat International Orchestra, donc qui se produisait pour une seule fois. C'était au Boom Festival en 2008, un festival qui est au Portugal. C'était la pièce, donc la première pièce qu'ils ont faite dans leur set. Ça, c'était donc trouvé sur Noise Problems, un blog assez intéressant qui a trait à l'afrobeat, à l'afro-rock, donc musique dans ce genre-là. Beaucoup de stocks vraiment intéressants sur Noise Problems, donc allez faire un tour, vous allez voir plein de trucs vraiment intéressants. On va poursuivre Web Music avec encore des trucs trouvés sur Noise Problems. Il s'agit d'un collectif du Portugal, c'est Chacaré Kanyembe. Je vous fais entendre donc la pièce 9. J'ai pas le titre de la pièce. On va écouter ça tout de suite à Web Music. We'll be right back.